qu'il faudrait vivre assez longtemps. Alors admire, contredis-moi, est-ce que j'ai tort de lui souhaiter vivement sa mort, avec mépris et son or, sans m'apitoyer sur son sort. Alors dis-moi, est-ce que j'ai tort pour la connerie de l'espèce humaine, de n'éprouver que de la haine. L'espace-temps et oublier ce que l'on a fait de sage, se retrouver face à son image. Contredis-moi, est-ce qu'ils ont tort de faire de la terre qu'un tas de pierres? Est-ce qu'ils ont tort de s'en vanter encore des larmes? Est-ce qu'on a tort quand on détruit tout sur nos passages, quand il n'y a plus vraiment d'espoir? J'ai tort face au mépris de l'espèce humaine. Est-ce que j'ai tort de n'éprouver que de la peine? J'entends la mort, le visage de l'opale qui s'assombrit, cesse son délice de ne faire de la vie qu'une maison de cage. J'attends la vie et la vie, quel point qu'elle nous mène, nous entrains, s'approche, s'approche, bouge, fais la tourner, fais la danser. Elle veut rire, tu la sens, elle te monte le long du corps. Laisse-toi vivre pour le meilleur et pour le pire, saisir nos chances ou nos malheurs, ne vouloir qu'une aventure, ne pas foncer droit dans le mur. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort de lui souhaiter vivement sa mort, avec mépris et sans remords, pitoyer sur son sort pour la connerie de l'espèce humaine, de n'éprouver que de la haine? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort?